vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous me l'avez écrit, mais je ne m'en souviens pas. On hésite, on remet, on attend, et la lettre se perd. Mais vous savez tout ça. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés. Votre question était: faut-il désespérer? Faut-il désespérer? Vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous aviez un prénom, mais je ne m'en souviens pas. J'aurais dû, j'aurais pu, certainement, vous renvoyer 10 lignes. Je ne l'ai pas fait, voilà. J'étais je ne sais plus où, enfoncé jusqu'au cou, dans ma vie personnelle. Cette angoisse éternelle du déclin qui rend fou. C'était avant l'été, vous aviez décidé de visiter la France, laissant de préférence, de hasard, vous guider. Votre question était: faut-il désespéré? Faut-il désespéré? Vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous me l'avez écrit, mais je ne m'en souviens pas. J'aurais pu, j'aurais dû, certainement, mais je n'ai même pas le temps de m'occuper de moi.